Hélas, déjà le bloc de l'Ouest, la musique de l'Ouest canadien, mais quand même, il me reste le temps de vous faire, de partager avec vous quelques bonnes chansons, dont tout simplement « De nos deux mains » de Polyester. Polyester, ça vous dit quoi? C'était le premier groupe de Annick Granger, v'là quelques nuits, hein, ma chère Annick? Non, ça fait quand même plusieurs années. C'est avec ça qu'on va commencer le bloc de l'Ouest. C'est tiré du démo de Polyester. Donc, je pense que c'est 1994-95, ce genre-là. Ça fait quand même assez longtemps, mais c'est encore très bon. Tout ça pour vous dire que je vous invite à aller faire un tour sur le Facebook et vous faites le ruban de la cassette. Écoutez le podcast numéro 6, très intéressant. Bel job d'Annick Granger qui a interviewé la mère de Ariane-Marie Lemire, Ginette Lemire. Très intéressant comme entrevue, très intéressant le partage qu'elle fait avec Ariane. Vraiment bien fait comme podcast, allez écouter ça. Donc, c'est la chanson « Souvenir de l'Ouest canadien », la chanson, tout simplement, « De nos deux mains » de Polyester. Par la suite, on va entendre « Faux pas » de Pontex, qui va très bien, tiré de l'album « Bastion ». Et il y a Paul Cornoyer, qui vient de lancer un nouvel album solo. Et on va entendre la pièce « Je manque d'air ». Ça, c'est un album que j'ai hâte de recevoir et d'écouter vraiment pour en faire un commentaire de disque. Et vraiment, là, j'ai bien hâte d'entendre le reste de l'album. Donc, ça s'en vient également dans quelques instants. Mais là, on se rappelle un beau souvenir, les premières armes de Polyester, qui était le premier groupe d'Annick Granger. Et ça s'appelle tout simplement « De nos deux mains ». Un appel à nos sens. Elle nous ouvre des voies, des passages que je voudrais prendre, mais j'ai pas le courage. Évaluant le temps qu'on passe, il me semble si hasardant de se suivre, de se soumettre aux faits. Qu'après tout, nous ne sommes qu'humains. Nous ne sommes qu'humains. Et que faire de nos deux mains? Et l'on cherche et l'on recherche encore. Et que faire de nos deux mains quand tout devient de rien? Et l'on cherche et l'on recherche encore. J'observe tous les mots qui me survolent comme des oiseaux, me deviennent une proie. Il me faut violer leur sens, il me reste ce défaut de conscience. Et je chante pour me contenter, je comprends pas ma volonté. Cherche encore. Et que faire de nos deux mains quand tout devient de rien? Et l'on cherche et l'on recherche encore. We'll be right back. sans faire si on fait faute frappe quand on se lance dans un contresens. C'est en barbouillant le blanc de mettre de l'encre sur la page pour voir son revers. Ce n'est pas le dessin, c'est le hasard que l'on retrouve quand on est en chemin. Car je manque d'air. Cournoyer, très belle voix. J'aime son timbre de voix. Très belle écriture, très belle mélodie, très beau texte de l'Alberta. Vraiment très intéressant. Son album, Le Détroit, sûrement disponible via l'APCM, www.apcm.ca ou encore sur iTunes ou tous ces sites-là, là, Amazon et compagnie. Allez mettre la main là-dessus. C'est vraiment un très bon album. Ça nous amène un autre beau souvenir. En fin de semaine passée, la semaine d'avant, je pense, c'était le festival familial de la famille Campagne sur la ferme familiale à Willow Bunch. Et plusieurs invités y étaient, dont Michel Marchildon, natif de Zillow Park en Saskatchewan, mais qui demeure maintenant à Montréal. Et que ça fait une surcousse qui ne nous a pas sorti de nouvelles chansons. Il faudrait voir s'il fait encore de la musique. On va se rappeler le beau souvenir, « Changer de peau », c'est la pièce-titre de son premier album solo. Donc, très bonne chanson, vous allez voir. On va entendre aussi Christelle Plamondon, qui a pris une photo avec Michel Marchildon lors de ce festival-là. De Christelle Plamondon, on va entendre « Me sauver dans la nuit », tiré de son album « No Border, plus de frontières ». Et on va terminer ce bloc avec « Jamais dire jamais » de Papillon Amiral de Annette Campagne. Du Nevada, entre tes jambes une vieille Honda. Tu suis la route, tu veux t'enfuir vers un soleil qui se retire. Dans les montagnes du Dakota, t'as plus d'argent, t'as plus de tabac, t'as plus le goût de repartir, mais t'arrives pas à t'en sortir. Dans vie, tu peux changer de vie, de ville, de femme ou de métier. T'enfuir sur ta moto, mais t'arrives jamais à changer de peau. Mais t'arrives jamais à changer de peau. T'arrives jamais à changer de peau. Chemin qui mène à rien. Y'a des bandits sur des Harley. Sur ce chemin qui te ramène au sien, y'a un billet d'avion et deux valises. Dans vie, tu peux changer de vie, de ville, de femme ou de métier. T'enfuir sur ta moto, mais t'arrives jamais à changer de peau. T'arrives jamais à changer de peau. T'arrives jamais à changer. Tu lis Rimbaud en rêvant à Mexico. T'as les pieds dans l'océan, mais le cœur à l'île d'Orléans. Dans vie, tu peux changer de vie, de ville, de femme ou de métier. T'enfuir sur ta moto, jamais à changer de peau. Et t'arrives jamais à changer de peau. changé. Ne jamais dire jamais.